Voilà la carte du monde. La Terre est ronde comme une orange. Cette carte est comme son écorce qu'on aurait mise à plat. Les cartes du monde avant le XVIe siècle. Le système de Ptolémée met, on le sait, la Terre au centre du monde. Il fait tourner les astres mobiles d'un mouvement uniforme sur des cercles entraînés eux-mêmes par un mouvement circulaire uniforme. Ce mécanisme compliqué et ingénieux rend appréciablement compte des apparences. Il a dessiné des lignes incurvées pour figurer la rotondité de notre planète. Ptolémée utilise la longitude et la latitude pour reporter mathématiquement les emplacements. Cette carte est assez étonnante. Le continent eurasien s'étire d'est en ouest. C'est la première carte occidentale à faire apparaître la Chine. Il appelle la Chine la terre de la soie et il indique même les noms des villes. C'est la carte la plus aboutie de l'Antiquité. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Cette carte, c'est au deuxième siècle de notre ère qu'elle a été élaborée. On va la retrouver dans le monde latin seulement 12 siècles plus tard. Emmanuel Vagnon, bonjour. Bonjour, Jean Lebrun. Va nous l'expliquer dans un instant. Vous êtes avec Anne-Lise Neff, bonjour. Bonjour. Dans le grand atelier collectif dont on raconte le travail toute cette semaine, pilotée par 4 coordonnateurs, on avait le directeur de la publication Romain Bertrand parmi nous hier, 92 dates qui racontent une autre histoire des grandes découvertes et quelques 80 auteurs dont vous êtes. Alors, Ptolémée, on va pas revenir sur la nouveauté de son travail, latitude, longitude, report sur la surface du globe grâce à une grille de méridiens et de parallèles de nombreux points remarquables qui peuvent être multipliés avec le temps et avec les observations. Et puis on a entendu à l'instant notre interlocuteur, c'était l'heure de culture française de Radio France naguère, nous expliquait que c'était une application terrestre, d'une cosmographie, d'une science du ciel. Alors Anne-Lise Neff, vous êtes spécialiste des mondes arabo-musulmans. Moi, j'ai une question naïve à vous poser. Oui. Ptolémée, dont on a dit qu'on va le retrouver dans le monde latin que très tardivement. Il a été perdu de vue par le monde arabe? Alors précisément non, et c'est ce qui fait que l'on parle souvent d'un relais arabo-musulman pour la géographie, au moins au sens ptoléméen, mais pas seulement, au Moyen-Âge, au moment où elle s'éclipse quelque peu dans le monde latin. Vous dites ça, mais vous avez des preuves, vous connaissez des manuscrits conservés je ne sais où, à Bagdad peut-être, de la cartographie ou de la géographie de Ptolémée? Non, nous avons des indications, indirectes, littéraires, qui nous indiquent que la géographie de Ptolémée a été traduite en arabe, au IXe siècle. Nous ne conservons pas le manuscrit, hein, pas de scoop aujourd'hui, mais il a été utilisé par les géographes arabo-musulmans qui en fait vont prendre à 2 sources différentes. La source donc géométrique, disons, que vous venez de décrire, astronomique et géométrique, qui est celle de Ptolémée, et d'autre part, donc grec antique, et d'autre part une source, disons, sassanide. Persane. Donc on est là plus en Orient, et c'est une géographie qui est plus centrée autour de l'Irak et qui présente une vision beaucoup moins géométrique et systématique. Et ce sont les deux qui vont alimenter cette géographie. Mais alors, vous connaissez-vous comme une spécialiste du monde sicilien? D'autres sont spécialistes du monde andalou. Les canaux historiques, souvent identifiés en Europe, de la traduction en arabe par l'Andalousie et la Sicile, n'ont pas servi dans le cas de Ptolémée. disons qu'il y a un premier mouvement de traduction, qui est un mouvement qui a lieu à Bagdad, alors qui peut passer soit d'ailleurs par des intermédiaires, hein, syriaques notamment, qui sont bien connus, mais il y a un premier mouvement donc au IXe siècle, et le mouvement que vous décrivez plutôt au XIIe, XIIIe siècle, XIIe en Sicile, XIIIe siècle en Al-Andalus, est un mouvement postérieur, en ouais, quelque sorte. Mais qui va mettre en avant d'autres auteurs que Ptolémée. Soit la Sicile, au XIIe siècle, elle est chrétienne. Mais est-ce qu'on se souvient, je ne parle pas de la Grèce ni de l'époque romaine, qu'elle a été byzantine? Et est-ce qu'on se souvient qu'elle a été arabo-musulmane? Et alors, au XIIe siècle, il y a une dynastie normande, venue du Grand Nord, en Sicile, Hauteville, et la population est majoritairement arabo-musulmane. Alors, de fait, hein, la Sicile a été byzantine, disons, entre le 6e et le 9e siècle. À partir du 9e siècle, un mouvement qui part, disons, de la Tunisie actuelle, pour faire vite, commence la conquête de la Sicile, qui va être conquise, en gros, à la fin du 10e siècle. Donc, ça sert un peu, si vous voulez, d'île frontière en Méditerranée centrale entre le 9e et le 10e siècle. Et puis, à partir du milieu du 11e siècle, effectivement, on assiste au passage de ce qu'on appelle des Normands, donc des hommes venus du Nord, et en particulier de ce que l'on appelle aujourd'hui la Normandie. On les voit donc arriver depuis la terre ferme jusqu'en Sicile. C'était des chevaliers des Argentés qui avaient cherché fortune dans les Pouilles ou en Calabre. Tout à fait. Qui sont entrés au service, en fait, des différents pouvoirs locaux qui s'affrontaient. Une famille réussit à s'arroger le titre de comte des Hauteville, puis de roi, en la personne de Roger II. Alors ça, Roger II, c'est un étonnant personnage et qui intéresse encore beaucoup le monde musulman d'aujourd'hui parce que il a eu l'idée d'attirer à sa cour des savants musulmans. Et parmi les savants musulmans, Ali Idrissi, qui ne devait pas venir de très loin d'ailleurs, puisque sa famille était installée déjà en Sicile. Tout à fait. On a trouvé des indices récemment, hein, dans des sources arabes, qui suggèrent, alors on savait qu'il avait vécu un moment en Sicile, mais qui suggèrent que probablement son lien avec la famille dite des Hamoudides, qui venait en fait de la péninsule ibérique, et qui était chiite, avait dû s'installer donc en Sicile un peu auparavant, et une partie passe au christianisme. Ce n'est pas le cas d'Ali Idrissi, mais il a dû effectivement naître dans la région. Alors un documentaire à la gloire de l'âge d'or islamique d'autrefois est produit tout récemment par Teresa Griffiths, où on voit le personnage de Roger II. Nous sommes au milieu du XIIe siècle. Il va recevoir en 1154, des mains d'Al-Idrissi, le bilan d'un immense travail fait avec des disciples à terre et des navigateurs en mer. Roger sait que la science arabe est la plus avancée du monde connu, et il a appris à parler l'arabe couramment pour profiter de ses enseignements. Désireux de rencontrer Al-Idrissi, il l'invite à venir en Sicile. Le roi a un projet extrêmement audacieux à lui proposer. Un projet qui va stupéfier le monde. Al-Idrissi accepte de relever le défi. Il choisit 12 hommes, chrétiens et musulmans, pour l'assister dans cette tâche hors du commun. Pour remplir sa mission, il fait appel aux toutes dernières découvertes de la cartographie, des mathématiques et de la science. Sous sa supervision attentive, les 12 hommes lisent, se documentent, calculent, rassemblent des données. D'autres intrépides larguent des amarres. Ils ont pour consigne d'explorer les limites du monde connu et de naviguer là où nul n'avait eu l'audace d'aller jusqu'alors. Petit à petit, page après page, les érudits assemblent une carte et un livre de géographie comme le monde n'en a jamais vu. Roger est si passionné par leur découverte qu'il ordonne aux meilleurs orfèvres de son royaume de confectionner un planisphère d'argent. Au bout de 15 ans de travail, le planisphère est enfin achevé. Le roi est malade. Il appelle son fidèle ami à son chevet et lui dit: « Nous devons protéger notre grande œuvre. et le préserver pour la postérité. Al-Idrissi lui promet qu'il le fera. Bon, Anne-Lizneff, ne faites pas de commentaires d'érudite, il faut bien que le monde musulman d'aujourd'hui sculpte aussi sa légende. BNF, manuscrit de 1221, manuscrit arabe, la carte, les cartes, la juxtaposition des cartes d'Al-Idrissi, dans une copie de 1300, est présentée dans le livre L'exploration du monde aux éditions du Seuil, qui nous occupe cette semaine. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a parlé tout à l'heure d'un héritage ptoléméen réinterprété par les géographes arabo-musulmans, qui va quelque peu s'atténuer pendant quelques siècles. Et c'est Idrissi, en quelque sorte, qui le remet au premier plan et qui va à nouveau proposer une conception très systématique de la description, c'est-à-dire divisée en 7 bandes horizontales et 10 bandes verticales, 70 compartiments. Ces 70 compartiments donnent naissance à 70 cartes qui, effectivement, rassemblées, forment cet ensemble. Donc mais je veux pas dire, mais on est au milieu du XIIe siècle, 1154, l'essai n'est pas nécessairement transformé. Une explication tient peut-être à la mort précoce de Roger II. Les Arabes continuent à suivre la tradition d'Al-Idrissi. Vous dites un peu de manière ténue, quant à la traduction en latin, il n'y en a pas eu de suite. Quant au planisphère en argent, qui a été décrit avec emphase il y a un instant, ben, il a été détruit lui-même 5 ans après, ou 6 ans après, en 1161. Il aurait été détruit lors d'émeutes qui n'avaient rien à voir avec le fait de s'opposer évidemment au planisphère, lors d'un assaut contre le palais royal. Alors, ceci dit, ce qui est intéressant, je crois, c'est quand même de voir que, c'est pas tellement que Roger II reconnaisse l'avancée extraordinaire dans les sciences des arabo-musulmans, mais il va prendre les disciplines là où elles existent. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on veut faire une géographie, et de toute évidence, les hautes villes ont une conception relativement impériale de leur pouvoir, universel. Ils se voient comme des rois savants, et c'est évidemment pas tout seul Roger II, mais le milieu qui l'entoure, qui lui suggère certainement. Alors, de fait, dans cette conception-ci, il faut aller chercher un géographe arabo-musulman, parce qu'il n'y a pas l'équivalent ailleurs. Mais les successeurs n'ont peut-être pas une exacte idée de la capacité d'accumulation qui aurait pu être développée à partir de ce travail d'Al-Idrissi. Le savoir n'est pas aussi cumulatif qu'on le pense, peut-être, à cette époque. D'ailleurs, vous insistez, dans votre papier de l'exploration du monde, sur l'importance qu'a eu le récit de voyage, qui était autrement plaisant peut-être à écouter, qu'on pense à Marco Polo, ou bien une génération après, c'est un autre article de l'exploration du monde, à ce moine Dorico qui a fait aussi un voyage en Chine. Ça fait toujours rêver les devisements du monde. À Lima, il y a quelques années, un concert avec Kyriakos Kalaitzidis qu'on entend. C'est un voyage musical à la trace de Marco Polo avec des musiques traditionnelles, les chansons traditionnelles de l'époque des régions que Marco Polo était et aussi des compositions qu'il a composées inspirées par les voyages de Marco Polo. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Les cartes du monde au Moyen-Âge, en matière géographique, si on emploie le terme, à l'époque, le savoir est-il cumulatif? Je ne sais. En tout cas, ici, le relais est pris par Emmanuel Vagnon. Emmanuel Vagnon qui, comme Annelise Nieff, travaille à l'université Paris 1 et qui participe aussi dans l'exploration du monde à ce travail sur la cartographie avec une autre date. Nous sommes maintenant au XIVe siècle, en 1321. Soit un milieu très intéressé par la géographie et la cartographie qui est Venise. Et Venise préoccupe souvent de la question des croisades. Et les états croisés d'Orient, ben, c'est plus rien maintenant. Ne faut-il pas revenir à Jérusalem, je ne sais comment, en encerclant l'islam? C'est une question qu'on se pose dans la Sérénissime. Alors en effet, les croisades s'achèvent à la fin du XIIIe siècle officiellement avec la mort de Saint-Louis, puis la chute d'Acre dans les dernières années du XIIIe siècle. Mais les projets de croisades sont sans cesse relancés en Occident pendant les derniers siècles du Moyen-Âge, en particulier dans ces décennies de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Et à Venise, les marchands vénitiens, la noblesse patricienne vénitienne propose au pape des projets de croisade qui impliqueraient des flottes vénitiennes et des agents venus de Venise. Soit deux personnages, Marino Sanudo et Pietro Visconti, qui est davantage un imprimeur, et qui en 1321, je reviens sur cette date, vont dédier au pape du moment, enfin à un des papes du moment, un ouvrage dont le centre des préoccupations, dont le centre de la représentation, c'est Jérusalem. Alors en effet, la Mappemonde qui est commandée à Pietro Visconti, un auteur de cartes Paris, de cartes de navigation, mais aussi un auteur de cartes du monde, eh bien cette Mappemonde très célèbre, elle est centrée sur Jérusalem. Dans une tradition cartographique qui était fréquente hein, au Moyen-Âge jusqu'au XIVe siècle, mais qui là prend une ampleur complètement différente parce qu'elle intègre l'Asie à une représentation du monde qui n'est pas simplement limitée à la Méditerranée, avec Jérusalem au centre et puis une Asie imaginaire à l'est, mais là véritablement une carte qu'on pourrait dire géopolitique qui prend pour centre la Terre Sainte, la Terre à reconquérir, mais qui place autour de ce centre de la carte des intérêts, des populations, des routes commerciales que Venise connaît bien. Mais dites-moi, le Mongol n'avait-il pas envoyé des ambassades ? Alors c'est plutôt l'inverse, c'est dès le milieu du XIIIe siècle, notamment Louis IX qui a envoyé des ambassadeurs auprès des Khans mongols en cherchant à établir une relation diplomatique et plutôt une alliance militaire contre l'islam. Pour encercler l'islam. Pour encercler l'islam par l'Est, absolument. Mais pour encercler l'islam, il faudrait regarder de plus près ce qu'il y a au bord de l'océan Indien du côté africain. Alors en effet, cet encerclement de l'islam, il a été envisagé par l'Est avec les Khans mongols, mais il a été envisagé à partir du XIVe siècle du côté de l'Éthiopie chrétienne. En effet, le au fameux sud royaume du prêtre de Jean. L'Égypte, le fameux royaume du prêtre Jean qui a d'abord été situé en Asie, se déplace dans l'imaginaire occidental vers l'Afrique et on identifie au XIVe siècle le Négus, le roi éthiopien, avec ce fameux prêtre Jean qui serait un allié des chrétiens et qui prendrait à revers l'islam. Alors, il y a une map monde, dites-vous, mais Pietro Visconti, c'est aussi un auteur de portulans. Le portulan, c'est des cartes de navigation. Alors, en effet, on appelle portulan un texte, d'abord, un texte d'instruction nautique qui est pratiqué en Méditerranée à partir de la fin du XIIe et au XIIIe siècle. Et par extension, les historiens appellent cartes portulan les cartes de navigation, les cartes marines, qui sont des cartes régionales qui décrivent les ports de la Méditerranée. Et Pietro Visconti est le premier auteur qui signe ces cartes et que l'on connaît par de nombreux atlas. Alors il y a une représentation de la carte de 1154 au département des manuscrits de la BNF, mais il y a aussi à la BNF un département des cartes et plans que Franck Olivard a visité. D'ailleurs, si vous allez sur le site une histoire. Le lien est fait avec notre propre site. Vous avez tout un ensemble de documentation sur ce département de la BNF qui, pour l'instant, est dans l'espace François Mitterrand avant de rejoindre l'espace Richelieu. Ève Netchin en est la directrice. Elle montre à Franck Olivard ce portulan conservé à Paris de Visconti. Donc c'est pas dans ce sens-là. Donc c'est du manuscrit, c'est du vélin. Donc la peau de vélin, en principe, c'est une peau de veau mort-né. En pratique, c'est très souvent du mouton. Hein. C'est donc une matière extrêmement durable. Et nous avons donc ici un portulant, un atlas portulant. Beaucoup de portulans ont la taille du mouton d'où ils viennent. Et vous voyez qu'il y a un ensemble d'informations assez complexes. Il y a d'abord les routes des bateaux qui sont indiquées par ces lignes de rhumb qui convergent dans différents points. C'est ce qui permet de régler la course du bateau. Pietro Visconti, comme tous les cartographes, il n'est pas il y a une tradition de la représentation cartographique dont il fait partie, et son utilisation même d'une symbolique, des couleurs, des manières d'inscrire les ports, de représenter les côtes, montre que c'est quelqu'un dont la culture savante est indéniable, qui a été à bonne école. Ce n'est pas un marin qui prend des moyens de représenter ce qu'il voit dans son bateau. C'est de la cartographie savante. Département des cartes et plans de la BNF, donc exploré par Franck Olivard. Un lieu, une histoire. Mais la MapMonde, il y en a un exemplaire manuscrit au département des manuscrits richesses de la Bibliothèque nationale de France en la matière. Mais il fallait parler un peu de la description, de l'aspect ornemental. Qu'est-ce que c'est les Roms, par exemple? C'est le nom de la propriété de la famille Dior à Granville, mais... Alors, ce qu'on appelle des lignes de Rhum, c'est là aussi c'est une appellation moderne et d'historien de l'époque moderne, ce sont en fait des lignes qui dessinent les caps de navigation. Donc ce sont les lignes de direction de la boussole. On appelle ces lignes des vents, en fait, dans la cartographie médiévale. Et comme le dit Evnet Chin, ces vents sont de différentes couleurs. Les principaux sont en rouge, les vents secondaires sont en vert, les vents encore, les subdivisions sont en noir. Ces lignes de Rhum dessinent un réseau en étoiles sur des cartes qui sont donc des cartes de navigation régionales qui décrivent de manière vraiment précise des bassins de navigation dans la Méditerranée. Oui, mais laissez quand même un peu de place à l'imagination des artistes. Elle est signée, cette carte d'ailleurs, ce portulan. On y voit le blason des souverains, de temps en temps assis sur un trône, un souverain, ou bien un bateau qui est sur la mer et la fend. Alors, ces cartes de navigation de Pietro Visconti sont plutôt sobres, elles ne comportent pas beaucoup d'images, à part justement quelques insignes et emblèmes au début du manuscrit et dans les angles, une représentation des saints protecteurs qui protègent la route du navire. En revanche, il existe beaucoup d'autres cartes marines, mais plutôt catalanes, espagnoles, qui sont enrichies d'une très riche iconographie. Elles sont destinées non pas aux marins, mais à des princes, à des riches collectionneurs de beaux objets. Et elles contiennent là des représentations des souverains, très pittoresques, le roi d'Afrique, Moussa Amélie, le sultan d'Égypte, les Khans mongols sont représentés sur des cartes, mais qui ne sont pas celles de Pietro Visconti. C'est plus tardif. Si vous voulez en avoir plein les yeux, alors encore une recommandation, les Archives nationales, maintenant à Paris, toujours une exposition quand les artistes dessinaient les cartes. Visconti, il a une proximité avec les cartes arabes dont on parlait tout à l'heure? En effet, c'est vraiment ce qui fait la célébrité de la MapMonde de Visconti. Alors on dit la MapMonde de Visconti, il en existe une dizaine d'exemplaires, dont l'un est dans un manuscrit d'un autre Vénitien, Paulin de Venise, à la Bibliothèque nationale de France. Alors cette MapMonde a pour caractéristique de s'inspirer très fortement des cartes d'Ali Drizi dont on vient de parler. Autant qu'on puisse en juger, parce qu'il n'y a aucune documentation sur le lien entre Drizi au XIIIe et notre Pietro Visconti au XIVe siècle, mais du point de vue simplement de la forme des cartes et des renseignements qui sont portés dessus, il y a un lien qui est assez clair et qu'on peut pas vraiment nier, notamment un lien justement lointain avec Ptolémée. Alors vous vous intéressez beaucoup à la fabrique de l'océan Indien, c'est le titre d'un de vos livres, écrit en collaboration. Il y a plus sur l'océan Indien dans la MapMonde de Visconti que dans la documentation du milieu du XIIe siècle d'Ali Drizi? Alors, non, il n'y a pas plus. Il y a d'ailleurs moins de toponymes. C'est beaucoup moins détaillé qu'Idrisi. En revanche, le savoir n'est pas si cumulatif. Non, le savoir n'est pas cumulatif et au contraire, ce sont plutôt des sauts dans l'espace et dans le temps qui sont faits dans cette histoire de la cartographie. Et ce qui est remarquable, c'est que la forme de la carte d'Idrisi, en fait, est reprise par le cartographe vénitien, mais la toponymie, non, elle n'est pas traduite, ou seulement à certains endroits, ce qui est tout à fait intéressant, en mer Rouge et vers le golfe Persique. Là, on a des toponymes qui sont traduits, ou plutôt interprétés de la langue arabe. En revanche, toute la toponymie de l'océan Indien est complètement ignorée. Bon et rebon, je remets au centre de la table Ptolémée, dont on parlait au début de cette émission, et dont vous nous expliquiez, Anne-Lise Neff, rappelé, dans le monde arabe, via le syriaque, un manuscrit que vous datez du 9e siècle. Une traduction qui est datée du 9e siècle, mais dont nous avons perdu la trace, sauf dans l'utilisation qu'en font les géographes arabes. Bon et rebond, dans le monde latin, encore une autre date dans l'exploration du monde, le livre du Seuil. 1409, voilà une traduction en latin de Ptolémée. Et qui vient comment ? Alors, c'est toute une histoire, vraiment, qui ne passe pas justement par le filtre ou par l'intermédiaire du monde arabe. Alors, il y a deux intermédiaires, en fait. On a parlé de Pietro Visconti juste avant, qui utilise une géographie arabe et qui montre une connaissance de Ptolémée indirecte. Par exemple, la représentation du Nil. Mais deuxièmement, le texte même de la géographie de Ptolémée était complètement perdu en Occident. On le connaissait par réputation seulement. Mmh. Et il était complètement perdu en Occident jusqu'au XVe siècle. Mais c'était oublié Byzance. C'était oublié Byzance qui, au XIIIe siècle... On aurait dû, au fond, en 1204, quand on a pillé Byzance, je parle des croisés... Oui. On aurait dû s'occuper des manuscrits de plus près. Alors en 1204, ils se sont intéressés beaucoup à l'or, aux richesses des églises. Ils ont pillé largement les églises byzantines, mais ils ne n'ont pas pillé les manuscrits. À ce moment-là, l'intérêt des Occidentaux ne s'attachait pas à l'érudition antique. En revanche, au XIVe siècle, fin XIVe siècle, l'intérêt est de plus en plus grand parmi les humanistes italiens pour les textes grecs. Et on fait venir alors un certain Chrysoloras. Manuel Chrysoloras, un ambassadeur byzantin, proche de la famille impériale, qui est invité à Florence pour enseigner le grec aux cercles humanistes, notamment le cercle de Coluccio Salutati. Ces humanistes voulaient pouvoir lire les textes grecs antiques dans le texte. Et mort en Italie, et ben le Byzantin a passé le relais à un Italien. Et en 1409, voici que Ptolémée revient au centre du jeu. Il va apporter un peu de méthode à ce savoir qui va devenir de plus en plus cumulatif. Merci à toutes deux. Est-ce que j'ai besoin de raconter encore que le livre collectif auquel vous avez participé s'appelle « L'exploration du monde ». Il est paru aux éditions du Seuil. Franck Olivard, Audrey Ripouille, Anne-Laure Cochet pour l'équipe de la Marche de l'Histoire.